rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Black M. Voilà. Non, non, on y va, on attaque, mais je voulais juste avoir un petit clin d'œil au Sugar Hill Gang. Je sais pas si c'est un morceau qui t'a bercé, Black M, celui-ci. C'est un morceau que j'ai entendu et reentendu. Mais l'un des rappeurs nous a quitté aujourd'hui à l'âge de 57 ans. Ah, bah, je savais 57 ans aujourd'hui, vous saviez pas? Je savais même. Voilà, paix à son âme. Paix à son âme à 57 ans, parti trop tôt, évidemment. En tout cas, avec ce morceau, il a révolutionné, évidemment. Tout le monde l'a entendu, ce morceau. Tout le monde l'a entendu. Non, il a été samplé, archi samplé. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde le connaît. Voilà. Donc, ce morceau, une petite pensée donc à Big Bank, qui nous a quitté aujourd'hui à l'âge de 57 ans. Paix à son âme. Sugar Hill Gang à l'instant. Allez, on est parti pour le Planète Rap spécial Black M, même en ce jour férié. Comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme. En pleine forme, comme hier. La réédition approche. La réédition approche. On est à J-, je sais même pas combien, mais. Moins 6. Très proche. C'est lundi. On est satisfait parce que les gens, ils nous soutiennent encore et encore. On fait découvrir des morceaux. Hier, t'as bien vu. Hier, tu es parti un peu comme un voleur. Je tenais à te signaler. Je t'avais prévenu. Parti à la fin de ce live, de on se fait du mal comme ça. Je t'avais prévenu. C'était le concept en fait. Je me suis dit tellement c'est lourd ce que je vais faire. Je n'ai pas le droit de te dire au revoir. C'était en tout cas incroyable. Il y a la vidéo qui est dispo depuis hier soir, qui fait un véritable carton. On peut la mater sur le Skyrock FM. Ouais, j'ai vu. Elle fonctionne bien. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le live, qui est un titre inédit, de la réédition. Titre inédit. Ouais. Titre inédit qui s'appelle On se fait du mal, avec une chorégraphie inédite aussi. Une choré inédite. Ils étaient une vingtaine à danser dans ce petit studio de Planète Rap. Le Hey Crew que je big up. Ouais, on les salue. Et une choré qui sort en partie de la tête de mon gars sûr, de Bank. Ah. Un grand danseur, comme tu le sais bien. Ouais, bah ça, je sais que le mec chauffe la piste de danse en permanence, quoi. Donc, dès qu'on a sorti ce morceau, la choré, elle est venue derrière. Il a eu l'inspi d'avoir des pas de danse. Bravo. On s'est dit, on va y aller jusqu'au bout. Et on l'a fait. Tu étais un grand chorégraphe à bout de Bang, mais bravo. Non, pas du tout un grand chorégraphe, mais c'est vrai que voilà, on sait faire quelques petits pas. Et bah, c'était réussi. C'est Black qui a vraiment voulu que j'aille au bout avec le chef du Hey Crew, Guillaume. Donc, on est allé en répétition pendant 2 heures. Ce jour-là, en plus, on arrive en retard, tout, ils étaient pas contents. Mais je t'ai pas vu danser, par contre. Mais j'ai mal au dos. Il a mal au dos, le bouc. Il était censé tout faire. Samedi. À 4h du mat. Oh, je me suis blessé sur la piste. Non, je te jure, je me suis blessé. Il s'est glissé, hop, blessé, quoi. Il a eu un imprévu. Mais bon, tout ça, c'est. Franchement, on est très, très, très, très contents. Il y a des très bons retours et ce n'est que le début, je trouve. Voilà. Et oui, ce n'est que le début de cette nouvelle aventure. L'aventure qui continue en même temps pour l'album qui, à l'origine, s'appelait Les yeux plus gros que le monde. Et désormais, le monde plus gros que mes yeux. À découvrir toute la semaine avec du live. Yes. Ce soir, que va-t-il se passer, Black M, dans l'émission? Une autre surprise. Une surprise? Ouais, une autre surprise. Tu connais Black et les surprises. Normalement, il y a une grosse surprise. Très bien. Il va pas tarder. Avant 21h sur Skyrock. Et là, on va d'abord se rappeler, avant de débuter l'émission, ce qui s'est passé hier soir. On va retrouver d'ailleurs ton live que tu nous as offert hier soir. Yes. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Comment ça va, Black M? Bien. En pleine forme. Comment se passe cette tournée? Super bien. Dans le monde entier, dans la France entière. On fait des grosses dates, on suit sur scène, on s'amuse. On peut d'ailleurs saluer tes invités déjà ce soir dans l'émission. Ouais, beaucoup d'invités ce soir. Oui, il y a beaucoup d'invités là. Beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Mmh. Pour l'album La Réédition, c'est dans 7 jours La Réédition, l'album de l'année, l'album de Black M qui va désormais s'appeler Le Monde Plus Gros Que Mes Yeux. Yes. Après avoir découvert Les Yeux Plus Gros Que Le Monde. Ouais. La suite. C'est le titre à l'envers. Voilà, c'est le titre à l'envers. On va saluer aussi Abou de Bang qui est là parmi nous. Yeah. C'est le backer officiel. Tiens, au Zénith de Paris, tu vas monter sur billet facile, on va voir ce que ça donne. T'es chaud? Bah, moi je suis bouillant, moi, mais. C'est vous qui allez pas. J'ai fait une capture d'écran de toute façon sur Instagram. C'est vous qui allez pas tenir, quoi, si je le fais. Fais gaffe, Fred. J'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Planète Rap. Est-ce qu'on va faire un petit vrai-faux si tu veux bien, Black M? Vas-y. Tout ce qu'on voit sur le net, tout ce qu'on lit, les vrais, les faux. C'est un petit extrait, ce son. Dis-moi à quand mon plat net. Votre playlist n'est pas net. Shady va tous vous calmer. Je sais que vous allez encore jacter. Je le sais, je le sens d'ici. Et d'ailleurs, tu le dis dans un morceau, ne me posez pas de questions. Amis journalistes, amis des médias, mais évidemment, ça va être la première question. Est-ce que tout ce que tu dis dans ce morceau est vrai? Je cherche, moi, en fait. On sait jamais, parce qu'en fait, c'est mon double maléfique. Oui, mais ça, justement, c'est on ne sait jamais s'il dit la vérité. C'est l'alter ego. Ou s'il ne dit pas la vérité. Il balance tout un tas de saloperies sur Black M, sur Watibé, et là, il s'en est pris un peu légèrement. Ah bah, moi, j'ai pris, mais. T'as pris un peu aussi. J'ai pris au game. C'est pas méchant. Rien de bien. Vrai ou faux, et c'est le dernier de cette soirée. Il paraît que tu es déjà en train de bosser sur ton deuxième album solo. C'est vrai. Bah on peut même le dire parce que ceux qui auront la réédition, ceux qui vont acheter l'album. Il y aura le titre, il y a le titre à l'intérieur. Viens, on ne dit pas. Ah non, titre. on dit pas. Non. Planet Rap. Vas-y Nabila, coude le bousin. Parler, jacter ça le matin. Je te le redis, je suis comme ton pas. Starfall là, je goûte les Lady. Wesh Fred, dis-moi à quand mon planète. Délicat de Fred de Ska. Shady va tous vous carner. Planet Rap. Je chante. Moi je veux oublier, m'évader, je veux tout effacer. Je pense à ceux qui sont partis, que le temps emporte, ainsi qu'à tous les martyrs du vice de notre époque. Et à ceux de la planète rap. Est-ce que tu es prêt maintenant pour le live? Alors ouais, je suis fin prêt. Je te préviens juste, je te dis au revoir tout de suite parce qu'à la fin de ce live je n'ai plus rien à te dire. Je me tire direct. Je veux partir sur un truc où vraiment. Tu vas voir. Skyrock, yeah. On se fait du mal. Arrêtez. On se fait du mal. On se fait du mal. Arrêtez. On se fait du mal. Skyrock, brille. Voilà, on a même laissé le jet de casque. Le jet de casque sur la table de Planet Rap à la fin de ce morceau que tu nous as fait en live. Et je rappelle, la vidéo est dispo. Et allez voir pour la performance, ta performance des danseurs. Yes, allez voir, cliquez. Allez mater. Mais là, tranquille, on passe une heure avec Black M, notre invité, tous les soirs entre 20 et 21. Il est 20h pile. On est là. Je crois qu'il est grand temps de mettre un morceau pour débuter ce Planet Rap. Allons-y, on va démarrer avec Je garde le sourire. C'est un des titres inédits, c'est le premier que t'as balancé d'ailleurs. C'est le premier, de la réédition. Et on débute avec tout de suite, c'est parti. HQ est au platine, on le salue aussi. DJ HQ. Hier, yeah. Le 17 novembre, n'oubliez pas. 1. Depuis, je garde le sourire. La réédition en précommande sur iTunes. Depuis je garde le sourire. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi. Oui je l'ai voulu mais chaque fois je me demande pourquoi. Ma scène est un cirque, j'en ai fait ma maison. Où tout le monde fait comme chez soi car tout le monde connaît mes sons. Cœur malade court après la guérison. Mon public ne peut pas me comprendre, je suis dans l'autodérision. Ce soir j'ai rempli l'une des plus belles salles de Paris. Mais ce soir j'ai perdu un frère, un grand proche dans ma vie. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, je me vois la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi. Ce maquillage fait que tu ne me vois pas. Je suis un clown, je souris. Je suis un clown, je souris. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Je me suis battu des années pour arriver où je suis. Dans l'entreprise, personne au-dessus de moi dans la hiérarchie. Yeah. Je suis un homme accompli. Je suis censé être heureux, moi-même j'ai pas compris. Scotché sur ma chaise suite au dernier coup de fil. Le médecin me fait comprendre qu'à chaque réunion, je perds un bout de vie. Dans mon domaine, je suis le meilleur d'après la rumeur. Mais d'après elle aussi, je suis atteint d'une grosse tumeur. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, je me vois la face. et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi, ce maquillage fait que tu ne le vois pas. Je suis un clown, je souris, je suis un clown. Femmes vont se reconnaître et diront que les pots cassés ne peuvent pas se recoller. Yeah. Victime d'un homme fou allié, les coups sont invisibles pour une mère au foyer. Elle pleure, son maquillage coule, ses enfants ont peur, elle fait croire que tout est cool. La femme est une patente, elle est si épatante. Son instinct animal fait qu'elle presse sur la détente. Un soldat qui n'a pas ton temps, qui sourit mais on sait pas comment font. T'as sur le mal, même le clown voit pas ses sentiments. Depuis je garde le sourire, personne ne comprend. Le clown, depuis je garde le sourire, personne ne comprend. Le clown, je suis un clown, je souris. Je suis un clown, je souris. Je garde le sourire. Souriez, souriez. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Personne ne comprend le clown. Je garde le sourire. Personne ne comprend le clown. 17 novembre. Je souffle 17 dans les bacs. Yeah. C'est Black M, notre invité toute la semaine. Je garde le sourire à l'instant. Souris Fred. On va saluer l'inso aussi qui sourit, qui est là, qui nous a rejoint. Je vous ai rejoint, j'ai entendu ça à la radio, je suis venu, tu connais. Bah là, ouais. La réédition de Black M, je l'ai entendu bien avant tout le monde, elle est très très lourde. C'est vrai. Très très lourde. Les 8 morceaux sont dingues. Ils sont dingues. Déjà hier, j'ai vu le live, j'étais dans mon putain de pieu, man. J'étais dans mon pieu. Ah, moi j'écris, je suis au studio, je prépare un projet. D'accord. Je suis en train d'écrire, je suis fatigué. Et j'ai vu le live, j'étais choqué. Je lui ai envoyé un WhatsApp direct. J'ai dit, mec, j'ai jamais vu ça. Tout le monde m'en parle. J'ai jamais vu ça, poteau. C'est cool. Ce que t'as fait, c'est très, très, très. Le morceau, on se fait du mal. Positif. Positif. D'ailleurs, tous les inédits, les 8, Black M, c'est quoi? C'est des morceaux que t'as écrits après la réédition ou il y en a certains que t'as retouché? Il y en a un seul que j'ai retouché. Un seul, c'est le Foutu Mélodie. Que peut-être qu'on va écouter dans la semaine, on verra. Et tout le reste, j'ai écrit après l'album. Donc après l'album, la sortie. Après l'album. Lors de la première partie de l'année 2014, quand l'album est sorti. Exactement. Ouais, donc c'est que des titres nouveaux, c'est pas des morceaux que du nouveau. Que du nouveau. L'inspi est là en ce moment. Je suis même en train de gratter le deuxième. Vrai, hier, on annonce toujours pas le titre, il est dans l'album. Hein, non, il est dans la réédition. Dans la réédition. Ceux qui se procurent la réédition, ils verront le titre du prochain album. Ils découvriront le titre de ce second. Tu penses pour quand, toi, le deuxième album? Je vais prendre mon temps, je te dis la vérité. Je sais pas pour l'instant, mais je prends mon temps. Bon, là, il y a une tournée en plus qui va jusque. Une grosse tournée. Waouh. Qui va jusque. Une énorme tournée. Jusqu'au mois de juin 2015 au moins. Bah là, déjà, on a des dates jusqu'en fin décembre. Bah la prochaine, c'est du côté de Clermont-Ferrand. Ouais, Clermont-Ferrand, le vendredi, 14, ouais. Ce vendredi-là. Après, on sera à Montpellier le 20, le 21 au Dôme de Marseille, le 22 à Toulouse, le 23 en Suisse, le 30 à Brive, c'est complet. Le 4 décembre, on sera à Paris, le 5 au Zénith d'Amiens, le 19 au Zénith de Pau, le 20 au Mans et le 21 décembre à Amnéville. Pour conclure l'année 2014, mais ça reprendra rapidement en février 2015. On reprend le 21 février, on enchaîne avec Bruxelles et ça continue. Petite trêve de 2 mois, même pas. Et rapide, ouais. Après, on repart direct. C'est reparti pour Black M. Il y a des choses que tu bouges aussi beaucoup sur la tournée au quotidien ou pas? Au niveau de la scène, tu veux dire? Ouais, sur les morceaux que tu fais, parce que c'est vrai qu'hier on rigolait sur, c'était le morceau qu'à bout de bang voulait absolument que tu fasses. Mais on va l'intégrer, tiens. Parce que hier, j'ai reçu trop de messages. Merci. À cause de lui, j'ai reçu trop de messages. Merci. Je suis obligé de l'intégrer. Vous êtes les meilleurs. Donc sur la prochaine date, peut-être à Clermont. Peut-être pas Clermont direct. Pas Clermont, je pense, c'est un peu trop rapide. J'ai pas travaillé encore, mais on va l'intégrer, c'est sûr et certain. Ouais, il y a beaucoup de choses que tu bouges d'une date à l'autre, justement. Il y a beaucoup de. Bah ouais, par exemple, là, regarde, on vient de faire découvrir en exclu sur Skyrock, on se fait du mal, qu'on ne faisait pas avant sur scène. Je pense qu'on va l'intégrer assez rapidement sur scène. Comme ça, vous pourrez juger tous ceux qui. Allez voir Black M d'ailleurs en concert. Hein. Allez, venez allez nombreux. Allez voir chez vous. Les places en plus s'arrachent, donc dépêchez-vous de les prendre. Venez. Il en venez reste nombreux. Quelques-unes, notamment en Paris, chez au Zénith de Paris. Donc loupez Paris, pas Paris, il faut décembre. Pas rater Paris. Il y aura de grosses surprises. Et puis des surprises un peu partout. Il y a le hashtag Black M sur Skyrock. Et puis on va aussi rappeler que l'album, il y a un lien en précommande. On a un lien précommande. Allez-y, hein, précommandez, soutenez. Il y a de la qualité, 8 inédits, ça va être du très très lourd. Les petits extraits que vous avez entendus, vous avez eu un aperçu. Attention, le monde plus gros que mes yeux arrive. Ça arrive, ça débarque. On veut, d'ici 6 jours. On veut le hashtag Black M sur Skyrock en top tweet hier. Hier, on était en toute la soirée. Toute la soirée, hein. Ouais, mais là, soirée. Il le faut maintenant. Là, là il le faut tout très suite. Très rapidement. Donc, Black M sur Skyrock en TT, maintenant et toute la soirée. Allez-y. 41-759 aussi pour poser des questions à Black M. On met un autre morceau de la réédition ? Yes, on se fait du mal. Ah bah très bien. Tiens. Hier on l'a eu en live ce morceau, tu nous l'as fait en live. On va enfin découvrir la version album. Yes. Très proche. C'est la même chose. Voilà, tiens, vous allez peut-être découvrir les paroles parce qu'hier à un moment. Ouais, hier à un moment, la danseuse elle est happy sans faire exprès. Si vous êtes dit, merde, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une censure sur Black M, même d'ailleurs sur la vidéo qui a dit. Les gens ils ont dit, j'ai bugué carrément. Ouais. J'ai pas bugué pour un pas du donc à un moment, il y a que l'instru qui tourne. Mais c'est parce que dans la chorégraphie et dans le live, il y a une danseuse qui est venue devant toi, allongée sur la table, et elle a coupé malheureusement les micros. Sans faire exprès, Sans faire exprès. Donc là, donc vous avez la vraie version avec toutes les paroles. Le morceau. À part si Debeng se met sur la table. On sait jamais, j'ai mal au dos, t'as de la chance, frère. C'est quoi encore cette légende, la mal de dos, là, j'y crois pas un seul instant. Ouais, la mal au dos, mais je te jure, j'ai mal au dos. Béli, il a fait un massage avant-hier, j'ai soulevé Dadju, je rigolais avec lui pendant la tournée. Claquage. Mais lui a pas rigolé sur le poids. Quoi ? Mais en tout cas, ils sont bien marrés. Ils voulaient me snapper et tout ça quand je souffrais. Les salauds. Bon, allez, on écoute ce morceau maintenant, c'est extrait de la réédition. On se fait du mal. Black M avec nous et le hashtag Black M sur Skyrock. Yeah. 17 novembre, frérot. Précommande, frérot. Yeah. Tout ça, c'est dispo, frérot. Woo. Yeah. Mon refrain, j'suis désolé. J'aurais aimé te rendre la monnaie. Gêné, j'pense à tout ce que tu m'as donné. Ces moments durs où tu m'as épaulé. J'étais pas le seul, t'étais à mes côtés. Personne m'entendait, toi tu m'écoutais. La suite fait mal, je me tais, tu la connais. Fallait que tu saches que je suis dégoûté. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre délicat chose, oreille, on se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Ma chérie, j'suis désolé. J'avoue ton cœur, je l'ai cambriolé. J'sais que ton intimité s'est fait violer. Que je n'ai pas su te consoler. Je t'aime tellement, je pourrais te dévorer. Mais dans ta vie, je ne sers qu'à décorer. Le silence nous a éloignés. Les cris de nos disputes peuvent en témoigner. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. 17 novembre. Yeah. Big Black M. Le monde plus gros que mes yeux. On se fait du mal. Précommande, précommande, précommande. Dédicace à Renaud, le magicien. À l'instant, ce morceau, on se fait du mal. On l'aime ce morceau, nous l'aimons. C'est un morceau qui permet de guérir. Il y a un côté un peu gourou sur ce morceau, j'ai envie de dire, Black M. Un peu, ouais. Ça enlève les mal de dos. Il y a des mecs, non, je ne dirais pas de nom. Il y a des gens, ils avaient mal au dos, ils se sont levés d'un coup. Voilà. Je sais pas. Il y a que moi qui m'a mal au dos. Vous faites allusion. Non, des messages, des photos pour soi. J'ai mal. J'ai mal au dos, ça se voyait vachement pour ceux qui ont la vidéo. Merci pour tous vos messages. Ça fait plaisir. Allez-y, vous balancez tous vos messages, le hashtag Black M sur Skyrock. Il y aura aussi votre freestyle tout à l'heure par téléphone 41 759, pour s'inscrire, pour faire tourner la roulette aussi, hein, tout à l'heure. Yes. Avec Black M, notre invité. Qu'est-ce qu'on passera d'autre de la réédition ce soir? Est-ce qu'il y a un autre morceau de prévu? Je veux qu'on se remette le Black Shady partie 3. Alors ça, quand même, il faut dire un mot sur Black Shady partie 3. C'est un morceau qui sera sur la réédition. Exactement. Que tu as balancé, qu'on a mis d'ailleurs hier aussi dans l'émission. Yes, aussi. C'est ton alter ego. Voilà, exactement. Faut savoir qu'il y a eu la partie 1 et la partie 2 durant tout au long de la carrière de Section d'Assaut. Et là, j'ai décidé de faire une partie 3 parce que ça faisait longtemps que Shady n'est pas apparu. Et le gars se lâche. Il est très en forme, hein. Le gars se lâche. Il est très très en forme, hein. Le gars se lâche et il anticipe des choses qui arrivent. Il a parlé de coups de Louboutin. Il y a des gens, ils ont mis des coups de chasse. Non, mais ouais, voilà, avant tout, c'est du second degré. Mais voilà, c'est le côté maléfique de Black M. Black Shady. Et ben, on pourra découvrir si vous ne connaissez pas encore ce morceau. D'ailleurs, il paraît qu'il va venir dans la semaine, Black Shady. Ouais, apparemment. Même hier, il est passé. Qu'il y a des gens qui vont. On l'a entendu hier. Il faut essayer de le ramener au micro pour ceux qui pensent. En fait, je ne le contrôle pas, ce mec-là. Il vient en moi de temps en temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, ça va, il est pas en toi. Là, non, ça va, je parle avec toi, je t'insulte pas. Donc oui, ça, tout va bien. Si d'un seul coup, j'attends. Si d'un seul coup, connard, tu connais rien au son. Voilà, c'est possible que ça vienne de Shady. Je sais que ça peut venir de Shady. C'est possible. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc ne bougez pas, dans un instant, on sera de retour entre 20 et 21 sur Skyrock, le Planet Rap avec Black M, le hashtag Black M sur Skyrock. Des nouvelles, des surprises de prévues? Ça arrive. Ça arrive, tu connais Black, tu connais ses surprises. La surprise arrive. Ne bougez pas, c'est le retour de Planet Rap juste après ça avec Black M. Comme toi, Black M a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est le Planet Rap avec Black M, la réédition de l'album le 17 novembre. Ça arrive lundi, le monde plus gros que mes yeux. Ça arrive chaud tard dans mon Ça arrive, la réédition est disponible en précommande sur iTunes. Allez-y, soutenez, les 8 inédits vont faire très j'entends un mal. Bruit chelou, c'est quoi ce bruit? C'est Abou de Beng encore. C'est quoi? Toujours Abou de Beng. Non mais Abou de Beng, c'est comme une classe en fait. Tiens, Madame Pavoshko. C'est un hyperactif. Abou de Beng. Non, dehors. Non, c'est pas ça. C'est parce dehors. Que il y a une semaine en fait, c'était l'anniversaire au DJ de Shinsekai. On lui a souhaité hier avec un petit peu de retard d'ailleurs. Non, il y a eu deux années. Ah non, HQ c'était hier. Il m'a montré une vidéo du truc, c'est pour ça que j'étais en train de rire. Et HQ c'était hier. Ouais, c'était hier donc. Ouais, l'anniversaire HQ, je te l'ai pas dit. J'ai vu les Instagram, Twitter et tout, mais tu connais. 72. Mais le rhum, ça conserve. Il se conserve, hein. Ouais, ça conserve bien. Ouais, exactement. Tu le vois comme ça, il court plus vite. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est la voix d'Aishu. J'avais pas le souvenir qu'il y avait une voix comme ça d'un seul coup. Si, j'ai toujours la voix comme ça. Ouais, une voix bien douce, stigma vous. Une voix qui vient des tropiques. Justement, en parlant de ça, Fred, je voulais faire un gros big up à mon gars sur Sully Céphile pour sa boutique qui est juste à côté. Ouais, 46 rue Ticton à Paris. Rock the Street. Voilà. Yes. Tout ça avec l'accent en plus. Rock the street. Ah mais HQ, c'est le mec qui plaisante pas quoi. Il plaisante pas lui. Peut parler en anglais avec sa voix d'un seul coup. Il est très très sportif. Hein. Ça prend une autre ampleur. Bon bah salut aussi. Donc il y a une partie de l'institut qui est là. Évidemment il y a John Café. John Café qui est là. Qu'on n'a pas salué encore, ça va bien. Ah on t'entend pas John Café. On t'entend pas quoi. Non, ça doit venir de ce micro. Je sais pas, il doit y avoir un problème sur ce micro. Attends, prends le micro. On essaye de te censurer. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, là on t'entend. C'est bon, on m'entend. Ça va bien? Ça va et toi? Un petit mot sur la réédition, sur Black M. Moi, je suis comme toi en fait. Là, je suis en train de la découvrir. En sachant que tu vois, j'ai entendu quelques titres qui m'ont qui m'ont frôlé l'oreille. Et apparemment, ça doit être un truc de. Tu vois, il va te sortir. Regarde, il t'a fait une règle déjà. Quand je vois les titres, je me dis, le gars, il a bossé. Il y a 8 titres. Ah, ouais, regarde tous les titres qu'il y a déjà. Il y a 8 titres, hein, c'est beaucoup. Et en plus, il y a des invités. Bah, on disait, ouais, c'est pratiquement c'est encore 4 morceaux et tu faisais un album, quoi. Ouais, bah, c'est ça. C'est presque ça, hein, c'est sur la lignée de l'album. Je t'ai dit, j'avais de l'inspi, donc je me suis dit, on y va. Et on va le soutenir. Et on sait que c'est très lourd. Et bah, on va voir ce que ça va donner. Et là, on va écouter un morceau, alors qui, lui, figure par contre sur la partie de l'album que vous avez peut-être déjà à la maison. Un album qui a fait un véritable carton. Tous les disques de platine, man. Voilà, je sais pas. C'était ma question, justement, pour repartir avec l'album. Avec l'album dédicacé de Black M. Ils ont pas compris. Combien d'albums, non, on va demander en chiffres. Combien d'albums a vendu Black M pour le premier solo? Allez-y, vous avez eu un bel indice donné à l'instant. Ouais, bel indice. Donnez bien, de toute façon, ils savent pas les chiffres. Ils savent pas c'est quoi les chiffres. Ouais, il y en a qui s'enseignent quand même, il y en a qui s'enseignent. Allez-y. Et puis on l'a dit hier, donc si vous êtes fidèle à l'émission 41759, envoyez. Avec le hashtag Black M sur Skyrock, est-ce qu'on se ferait pas, donc maintenant je ne dirai rien. C'est parti, on s'écoute, je ne dirai rien. Grosse dédicace à Shinsekai, à The Shinsekai, à mon gars sur Doomams de la section d'assaut. Allez, c'est parti. 1. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense haut et fort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense haut et fort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. Toi tu sais pertinemment que t'es fraîche. Devant les mecs fauchés tu te prends pour les fraises. Négro c'est pas une meuf au what. Est-ce clair? Tu veux la gérer sans gamos? Espère. Seulement 15 000 abonnés sur Instagram. À moitié dénudé t'es prêt. Dédicace à mon gars sur tout film. T'aimes pas mon son mais tu veux ton passe backstage. T'aimes pas les canards mais t'enchaînes les dead face. Et tu me dis pourquoi je trouve pas de mecs bien. Pourquoi les mecs se comportent tous comme des chiens? Parce que t'es stupide, matériel est stupide. Stupide, stupide, le 17 novembre dans les bacs. Et tu te crois super intelligent. T'es mature, hélas, la seule raison pour laquelle on t'écoute sont tes obus. Sinon t'as pas un 06, je crois que j'ai le coup de foudre. Non? Bon ok, va te faire foutre. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, et pour que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, et pour que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. Te disent que ta présence est indispensable. Puis te poser avec un smicard est une chose impensable. Surdimensionné hors princesse de château de sable. Et Fox, il a bon cœur, ce qui compte c'est que le compte soit dépensable. Tu vis dans tes idées, oh, donc t'as délaissé le bac. Tu ne mérites que la Clio, oh, mais tu veux la Maybach. Tu regardes les gens de haut, les yeux plus gros que la black card. Cartonner les beaux élos, puis tu sautes les étapes. Chaque seconde, rien n'est assez bien pour what. Faudrait qu'on soit les merveilles de ce monde. Bien emballé dans une boîte. Pourtant t'es pas si sexy, tu n'excites que les gars va en fin de vie. Si je t'invite au coin vide, c'est que ta copine me supplie. Arrête de jubiler, arrête de me questionner. La tu es dans le but. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oui, pour que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller. Va jouer dans la place. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oui, pour que t'es la plus. Oh, je ne dis rien. Est-ce que tes talons supporteront tes grosses cuisses? Oh, mon état! Mini-short est au bord de la rupture. Luxé, je me vois poser dessus avec un gros spliff. Fais-moi voir les pas et je te ferai voir la luxure. Tu me reproches de trop courir après le butin. Mais tu marcherais sur du sang pour avoir des loups boutins. T'aimes te faire belle, faut qu'on t'interpelle. T'aimes les bad boys recherchés par Interpol. Donc épargne-moi toutes tes souffrances. Épargne-moi tout ce maquillage à outrance, bitch. T'as les yeux plus gros que ton vent. Pour un simple reste, toi, je vidais mon compte en banque. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oui, pour que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oui, pour que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. Oui, ton entrée a mis comme un froid dans le coin. Alors que j'étais posé avec tous mes gars. Oh, calme. J'ai voulu t'ignorer, mais comment faire quand même? Les plus grands bandits ici sont tombés sous ton charme. Au moins y'a pas de soucis. J'ai les yeux plus gros que ta cambrure cousine. Ouh. Ce n'est pas juste parce que tu es fraîche que tu vas me refroidir. Ouh. J'en ai connu des plus sauvages. Tous les niggas te guettent. Quand y'a du mboulou, j'suis pas celui qui dabat les miettes. Oh. Big Black N. Pas du genre à se faire piquer par ta taille de guêpe. Trop cash peut-être parce que je sais que le mal me guette. Je sais que c'est bête, mais t'es là juste parce que j'ai ses pères. Et si moi je suis un macho, dis-moi toi t'es quoi, de toute façon tu ne me laisses pas le choix. Tout le monde tenait court, à quoi ça sert d'être un avion de chasse. Si ça vole pas aussi, tu veux, oui vas-y viens on tchatch. Mais je suis qu'un salaud. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, et faut que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, et faut que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. Non, non, non, non. Je ne dirai rien à l'instant sur Skyrock, Black M, Shin Sekai et Doumams aussi. Hein, et Doumams aussi de la section d'Assaut qui prépare son projet, je précise, avec JR Chrome. Qui va s'appeler La Vendetta. Big up à La Vendetta. Et Vendetta. Et alors un autre élève, pareil, bien dissipé, qui vient de faire son entrée dans le studio. Mon gars est, sûr et certain. Qui est présent sur da le morceau. Ju. Qu'on vient d'entendre à l'instant. Et Daju. Et Daju. Et Daju. Oh, ah, c'est comme ça. Ouais, c'est bien moi. C'est en chair et en os et en voix. Fred, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquillement, je bon, bien. Tu es arrivé sur ton morceau, grande classe. Sur mon couplet. Sur ton couplet, ouais, en plus. Oui, c'est ça que je voulais dire. Quelle entrée. Sur ton couplet, le mec arrive. Tout était calculé. Tout était calculé, incroyable. En ce moment, il fait. Bon, Daju, ça dit quoi? Tourner un peu avec Black M? Bien sûr, on tourne, on ne lâche pas. On ne lâche pas Black, on voit tout ce qui se passe. On était là avant, on est là pendant et on sera là après. On a vu le taf de la réédition. D'ailleurs, j'ai pas eu mon CD, tu vois. C'est la première fois. Je l'ai pas non plus. Toi, t'as toujours le CD avant les gens. C'est le mien. Ouais. Tu te rends compte, c'est le mien et tu vas pas m'ambiancer. C'est juste en bas, merde. Si tu vois ce que je veux dire. Je surveille. Si tu vois ce que je veux dire. Il y a plusieurs années d'expérience de surveille et de surveillage. Donc, de CD. On a vu le taf. On a vu que. Il a bouclé ça rapidement. Il était en pleine inspi en fait. Il était en pleine inspi. Il enchaînait sur ses dates tout ça. Ouh là là. T'entends. Vas-y, continue. Ouais. Les aléas du direct. Et donc j'ai vu le taf du Neguez. Le mec avait de l'inspi. Le mec a toujours de l'inspi. Le mec est toujours aussi fort qu'avant. Donc il a même plus besoin que je vienne parler à sa place. Si, il faut que tu bires. Non, t'as même plus besoin. Ce Neguez est c'est l'une des meilleures ventes de 2014. C'est vrai. L'un des meilleurs rappeurs. Encore en activité. Encore en activité. Merci de jouer. Encore en activité. Bon, il est en activité. Merci. Et donc voilà, Black, il sait très bien ce que je pense de lui et j'espère que ça va continuer comme ça. Il faut, on l'appelle le sauveur. Il nous a tous sauvés. Le sauveur. C'est lui qui porte le Watibé aujourd'hui, qui porte le brassard et donc pour l'instant, il va pas le lâcher. Merci Daju, il y a eu des petits moments d'égarement, mais c'était bien ensemble. C'est le direct en fait. C'est bien, non. C'était de l'impro, il a rien écrit. C'était bien, ouais, bravo. Je vous présente maintenant son cible de Chambéry par téléphone. Salut, son cible. Salut. Ça va bien? Ça va, nickel, et vous? Eh ben écoute, bienvenue dans le Planet Rap de Black M. C'est toi qui es prêt à rapper maintenant pour le freestyle par téléphone, on t'écoute. C'est ça. Session freestyle, 1:30 pour tout défoncer. Cascade de rime, je pose, historique, prose au micro, un gros style, je dispose, enchaînement de mots, sensible, j'ai le sang chaud. Si tu cherches à me buter, faut grave me planter dans le dos. 40 têtes bêtes, y'a des risques, je t'explose, flow, épicé, ex-mec, équisé, respect, j'ai rédigé mes textes man de manière dingue. Tous ces sons à fond, à 8 dans la R5. Je débarque de là où les mecs émanent les mots, loin de là où la bourgeoise de merde aime promener ses chiots. Moi j'ai les crocs d'un pitbull, croisé d'Oberman, c'est l'effet d'une grande qui circule au port de Rotterdam. J'ai la pêche d'un rocker, le zen rempli de coke. Mick Jagger me voudrait dans les Rolling Stones. Pas de ce trip là, ni dans le strip club. Moi je voyage dans une low-ride sur du chiffon, j'en place une pour Nate-Dog. Négro et rippé, une seconde pour chroniqueur. Son fidèle héritier, si on pratique un rap aux atmosphères diverses. Moi nous pousse tous en attendant. Si on est un petit père, on garde au point. Provoquer un choc pétrolier pour appeler la personne à détrôner. Concentré sur le son et des valeurs sûres. J'en vois trop un des intox, je compte pas assister à leur culturel. de butin, une putain et un cohiba. Un succès succinct, carton rouge, collinage de vire, de milieu d'un coup de pied dans le cul. Elle se glisse, elle se vide. Mon gars l'a senti, quenelle à la son sensible, assaisonné de rime. Répondez, je me fais chier, j'attends un sursaut d'estime. C'était sensible, pour mes flinguettes, toutes mes mises flinguettes. J'apporte du sang neuf, flamme, justice, m'inquiète. Ok, à l'instant, Sensible de Chambéry en freestyle. Merci à toi, Sensible. Merci à vous. Très bon choix d'instru. Ouais. Eh bah, écoute, ouais, bravo à toi, on peut te retrouver sur le net. Tu veux balancer une adresse, vas-y. C'est ça, sur ma page Facebook MC Sensible. Et j'ai sorti un album qui s'appelle Wolverine. Donc qui est dispo aussi sur YouTube. Donc vous pouvez me retrouver mon actualité Facebook et YouTube MC Sensible. MC Sensible, on suivra ça. Merci à toi en tout cas. Merci pour l'invite. Ciao, ciao. Passe une bonne soirée sur Skyrock entre 20 et 21. Black M est là. Est-ce que tu vas annoncer tout de suite une surprise ou pas qui vient d'arriver dans le studio? J'ai une petite surprise. Une petite surprise. Un figurant dans un clip. Un figurant très connu, on va dire. Très connu, mondialement connu. Un gars sûr. Très fier d'être ici pour représenter le poteau Black M. Aïe! Est-ce que vous l'avez reconnu? J'entends des messages. J'ai fondé une école de Michael Jacksonage il y a quelques mois. Voilà. Grâce à ton peu clip, poteau. Bah, c'est grillé. Kevin Adams. Direct de Skyrock. Je vais descendre le truc. Merci. You. Ça va bien? Bah, ça va très, très en bien. En forme? Très heureux d'être ici. Grosse tournée, toi aussi. J'ai l'impression que vous êtes en tournée. Exactement. Une grosse tournée. On s'envoie des textos à chaque fois. Il est dans un zénith. Moi, je suis dans un autre. C'est tout très, très agréable. C'est quoi la prochaine date pour toi, là, Kev? Je suis au Dôme de Marseille samedi. Ah, nous, on arrive après au Dôme. Et Toulon et Montpellier, voilà, c'est pour ça. Donc là, plutôt le sud, hein, cette semaine, tranquille. Exactement. Dôme de Marseille, il n'y a pas loupé la grosse tournée Kev Adams avec Skyrock aussi. Avec Skyrock aussi, exactement. Évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les lives dans quelques minutes. On écoute Black Shady. On a fait une émission de télé ensemble il n'y a pas longtemps avec Black M. Il m'a fait écouter Black Shady. Et je trouve ça génial de créer. C'est rare dans la musique que les chanteurs ils se créent des personnages, tu vois, c'est plus un truc d'acteur ou d'humoriste. Et je trouve ça mortel de créer un personnage comme le Ying et le Yang de toi-même. Le gars connaît. Ouais. Allez, on l'écoute maintenant, le morceau. Yes, sportif. Yes. Délicat, ça mon gars PDG qui m'a demandé ça en exclu. Voilà tout le sud pour toi depuis le Didoji. Devine qui est de retour. Black Shady. Partie 3. Vas-y Nabila, coude le boudin. Parler, jacter ça ne matin. Je te le redis, je suis comme ton pas. Star pour là, je goûte de Lady Gaga. Putain de game, mettez-vous en wad. Ou faites comme Sirkis, mettez-vous en wall. Moi en tous les cas, vous n'allez pas m'avoir. Dis David que je n'aime pas sa voix. Oups. Je veux pas le savoir, de toute façon j'ai déjà ses pères. Peut-être je vais faire comme Jackson, oui peut-être je vais lâcher mes frères. Enfin bref, moi c'est Black Shady. Tu n'as aucune chance d'être ma chérie. Je suis complètement hystérique, je peux te lâcher au milieu du pays. Te dire non le jour de la mairie. Fuck le rêve de l'Amérique, où le Rona meurt dans la série. Moi plus rien ne me fait rire. Pourquoi il verra tous comme Caris? Et toi pourquoi tu me racontes ta Yves? Dans ma tête il y a déjà des grosses manifs. Des mecs qui crient on veut du Ralis. On veut du Ralis. Ouais frère, dis-moi à quand mon planète. Votre playlist n'est pas nette. Shady va tous vous canner. Présent depuis des années, mon concurrent n'est pas né. Les anciens ne peuvent pas nier que des phases mémorables, comme l'interview de Nora. Je me suis tapé une bonne barre, elle a dû dire c'est pas comme ça. Vous vouliez un scoop, vous êtes servi. Vous ne méritez que mon huc en selfie. Je veux qu'on me paye même si c'est en CFA. Ramenez-moi le boss du rap ce front. Big up à mon gaba ce front. C'est de l'indé que vient toute la support. Oui, on aimerait tous retrouver la section d'avant entre Bella et sur ma route. Y'a de quoi parler sur leur d'abo. Les puristes sont paros, y'a de l'argent comme en Roland Garros. Numéro 1 dans le club, il t'a menti celui qui dit qu'il était mieux à l'époque. Délicat ça, mon gars, j'assume pas le ballon. C'est la jalousie qui fait que tu jactes toi et tes potes. Mensonge, les vrais soldats l'ont big up. Ils ont reconnu que j'ai fait le taf dans ce putain d'hip-hop. 9ème zone, Tigo. Excusez-moi, j'ai des tocs. Et le Black M, lui, son rêve, c'est simplement que je me stoppe. Je suis le mauvais quart d'heure. Des carteurs, ramène Solange dans l'ascenseur, niggas, et j'ai pas peur. Et je sais pas ce qui se passe dans la tête de tous ces niggas. On dirait qu'ils sont bons qu'à sucer le Pascal Nègre. Peut-être j'en dis trop ou pas assez. Dédicace à Stomy Passy, et le reste ne fait que m'agacer. Je suis pas meilleur qui veut gazer. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Gaza? Tout le monde fait genre de ne pas voir. Chez K derrière leur casa, ou sur le net à la casa. Stop! Carton rouge, le game expulsé. Des terres comme Carteron, mon flow fait mal et ça tu le sais. hits. Oh, c'est marrant, ils veulent tous faire des hits. Pour tomber même le Watibé, un jour ou l'autre va faire faillite. La gloire, c'est éphémère, ta star, M. Vénère. Parce qu'elle chie sur les humains, or qu'elle pfff comme les humains. Wesh, les neufs, y'aura pas le retour de l'EFA, encore moins le retour des rois. La section ne fait plus de rats. L'argent divise les gens, c'est ce que tu voulais entendre, hein. Si ça marche en solo, c'est plus bénéfique pour tout prendre. Hein? Hey yo, les rappeurs frustrés, ne faites pas. Les rageux, ne faites pas. Comme John Rashid, faut faire son bif et s'arracher. Pendant que t'as mal à ton rap, la bâche, moyen Ebola. L'Afrique est dans la haine, a besoin du bif de Coca-Cola. Mais comme le monde est raciste, très peu sont là pour épauler. J'en place mon bif dans la maison, là, comme Petro Donald. Mon son, numéro 1 dans le club. Il t'a menti, celui qui dit qu'il était mieux à l'époque. Mon son, n'a jamais baissé son froc. C'est la jalousie qui fait que tu jactes toi et tes potes. Mon son, les vrais soldats l'ont big up. Ils ont reconnu que j'ai fait le taf dans ce putain d'hip-hop. Mon son, excusez-moi j'ai des tocs. Et le Black M, lui son rêve c'est simplement que je me stoppe. Mon son, Black Shady partie 3. Bientôt le clip. Mon son, avec Beyoncé, Solange, etc. Jacté, je le sais, je me sens d'ici. Ouh, Black Shady est dans le coin. La voilà te cherche. Délicat, oui, boss. Aucune question sur ce morceau. Mon son, tout est dit, bande de maclou. Ramenez-moi un verre de Watibul. J'ai soif. Le but. C'est extrait de la réédition qui sort le 17 novembre. Black M avec ce morceau Black Shady 3. Yes. Il est toujours pas là, Black Shady, il est toujours pas en toi. Tu l'as pas entendu il y a à peu près 10 secondes par là, il a dit une connerie. À un moment, j'ai senti qu'il essayait 10 secondes de possession de ton corps. Il y a quelque chose de bizarre. Et non, tu l'as rejeté. Il est reparti. Il est reparti. Il y a Kev Adams qui nous a rejoint là depuis quelques minutes. Ouais. Avec son. Ok, on est là, c'est côté, c'est quoi ici? C'est Black M sur Skyrock. On est là au côté. Tu l'as vu, même pas, tu l'as vu son spectacle ou pas, Kev? Je l'ai vu, ouais. Le Voix la Voix la Tour. Je l'ai vu. J'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé. Et ben, on va. Je tiens à dire que c'est un des premiers qui est venu me voir. En plus. Alors, je sais que c'est toujours compliqué quand on passe des extraits à la radio, mais vous allez pouvoir écouter. On a pris un petit extrait. Le Voix la Voix la Tour. Ah, c'est gentil, ça. Vas-y. Allez, ça, c'est parti. J'arrive à Central Park avec mes potes. On a commencé à se balader dans Central Park. Et là, il y a un policier américain qui est venu vers nous. Il a dit attention, les jeunes. Je préfère vous prévenir. Dans le parc, il y a des écureuils. Vous ne les touchez pas, car ces écureuils ont la rage. J'espère que c'est clair. Quand il nous a dit ça, moi j'avais oublié que la rage c'était une maladie de l'époque, tu vois. Quand il nous a dit ça, moi je pensais réellement qu'au détour d'un chemin de Central Park, on allait croiser des écureuils genre... Wesh ! On est énervé ! On a la rage ! C'est nous les écureuils trop vénères ! Avec un gros écureuil à côté de lui en mode vénère, tu vois. Avec une grosse chaîne en or, avec un pot de Nutella au bout. Des petites écureuillettes qui frottaient leur huc contre des arbres comme ça. Et des écureuils vénères ghetto qui nous regardaient trop mal comme ça. Avec des t-shirts fuck la caisse d'épargne. Voilà, voilà, voilà tour. Avec Kev Adams du côté du sud de la France ce week-end à pas louper. Yes. Et je me dis dans quel état vous êtes quand t'écris toi aussi les sketchs, les écureuils, les trucs. Je me dis mais comment les mecs, ça part de quoi pour arriver un moment sur scène. Il y a des moments pour de vrai ce sketch c'est parti du vécu. J'étais vraiment à New York à Central Park, je me baladais. Il y a vraiment quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait des écureuils. Par un écureuil. Non, il y avait vraiment quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait des écureuils, qu'il y avait la rage et que c'était grave et tout ça. Et du coup je suis parti en délire en me disant imagine des écureuils vénères genre ouais tu en es vénère. Voilà, c'est parti comme ça. Voilà, c'est parti comme ça et t'arrives à jouer sur scène et voilà. Et ça se passe trop et bien. Et ça se passe trop bien en fait. C'est ça le truc qui est fou. Et d'ailleurs, petite dédicace, c'est important de le dire dans le spectacle, le groupe de rap écureuil s'appelle les Sections Noisettes. C'est ce que j'allais dire. J'avais vu, je me rappelle. Ça m'effectue, tu vas nous faire sortir galère. Black Shady de son corps. Tu vas le regretter dans un instant. Partie 4 qui se passe. Partie 4 exclusivement pour Kev Adams. Non, mais en tout cas, voilà, ça fait très plaisir d'être ici pour soutenir cet album qui, voilà, ça fait plaisir parce qu'il y a quelques mois, je disais à tout le monde, voilà, il me l'a fait écouter en premier, vous allez voir, c'est une grosse tuerie. Et c'est vrai. Ça sert à rien de dire ça, maintenant tu dis ça aux gens, ils disent nous aussi, on l'a écouté, on sait que c'est bien, donc c'est mortel. Cool. Bravo à lui. Au moins, il me fait plaisir qu'il y avait opérationnel. Pareil, comme pour Madame Pavoshko, il est venu tout de suite. Ouais, exactement. Il s'est installé dans le bureau de Madame Pavoshko, dans trois petits pas de danse. On a tout improvisé en plus. Tout improvisé. Mais parce que, franchement, moi, je suis touché par ce qu'ils font depuis longtemps, et puis Black M, comme comme Gims, comme Maska, comme tous ces mecs qui ont sorti leurs albums solo en ce moment, qui viennent de la section d'assaut, mais qui rappent depuis des années. Moi, ça fait longtemps que j'écoute leurs sons. Et donc voilà, de voir l'évolution, de voir que les mecs ils se prennent pas la tête, sont cool, ils invitent des jeunes artistes. Il a invité aussi dans son clip des gens comme Stéphane Bach, Issa Doumbia. Je trouve que c'est classe, voilà. Donc moi, si je peux soutenir un toi, tu les avais connus comment, toi, Black M, la première fois où tu rencontres? Je l'ai rencontré à l'Olympia. À l'Olympia, exactement. Je suis venu voir la section à l'Olympia et je l'ai rencontré là-bas. Et d'abord, on s'était rencontré la première fois au Energy Music Awards il y a quelques années. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais juste en tchèque, tu vois, je vous dis. Ouais, mais souvent, c'est pas une bonne ambiance, cool. Je comprends, c'est normal. Et. c'est normal, c'est pas une bonne ambiance, donc on tchèque juste et on. Après, on s'était revu au Skyrock Music Awards. Voilà, alors là, par contre. Coup, là. Alors là, je peux dire que là, c'était une autre. Là, c'était mortel. Là, c'était vraiment mortel, quoi. C'était un truc incroyable. Là, c'était lourd. C'était un truc de fou. Bon, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le live? Ouais. C'est DJ, est-ce que toi aussi, est Kev, est-ce que tu es prêt pour le live? Bah franchement, je suis prêt, mais je ne fais qu'accompagner derrière. Bah, tu vas baquer, comme on dit dans le milieu. Avec plaisir, je vais baquer. Tu connais les morceaux déjà. Baquer sévère. Mais je me dis, comme il y a Dadju, il est là, peut-être qu'il préfère lui, non? Baquer, parce que moi, je suis pas un grand baquer. Il envoie des messages depuis tout à l'heure. Dadju, il est tapis dans l'ombre ce soir. Non. Aujourd'hui, tu vas baquer, tu vas baquer gratuitement. Ok, vas-y. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Black M en live. Skyrock. Big Black M. Yeah. Depuis, je garde le sourire. Yeah. Un. Ouh. Depuis je garde le sourire. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi. Oui je l'ai voulu mais chaque fois je me demande pourquoi. Ma scène est un cirque, j'en ai fait ma maison. Où tout le monde fait comme chez soi car tout le monde connaît mes sons. Hein? Cœur malade pour après la guérison. Mon public ne peut pas comprendre, je suis dans l'autodérision. Ah! Ce soir j'ai rempli l'une des plus belles salles de Paris. Mais ce soir j'ai perdu un frère, un grand proche dans ma vie. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, je me vois la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi. Ce maquillage fait que tu ne le vois pas. Je suis un clown, je souffre. Je suis un clown, yeah, yeah. Je souffre, souriez, souriez. Je garde le sourire, yeah, yeah, yeah, yeah. Black M sur Skyrock. Je garde le sourire. Le 17 novembre dans les bars, motherfucking me. Je me suis battu des années pour arriver où je suis. Dans l'entreprise, personne au-dessus de moi dans la hiérarchie. Hein? Je suis un homme accompli. Je suis censé être heureux moi-même, j'ai pas compris. Scotché sur ma chaise suite au dernier coup de fil. Le médecin me fait comprendre qu'à chaque réunion, je perds un bout de vie. Dans mon domaine, je suis le meilleur d'après la rumeur. Mais d'après elle aussi, je suis atteint d'une grosse tumeur. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, je me vois à la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi. Ce maquillage fait que tu ne le vois pas. Je suis un clown, je souffre. Je suis un clown, je riais, souriais. Je garde le sourire, yeah, yeah, yeah, yeah. Je garde le sourire, ok. Black M, Skyrock, je suis quoi? Je garde le sourire. Beaucoup de femmes vont se reconnaître et diront que les pots cassés ne peuvent pas se recoller. Yeah. Victime d'un homme fou allié, les coups sont invisibles pour une mère au foyer. Elle pleure, son maquillage coule, ses enfants ont peur, elle fait croire que tout est cool. La femme est une battante, elle est si épatante. Son instinct animal fait qu'elle presse sur la détente. Un sol d'un qui n'a pas ton temps, qui sourit mais on sait pas comment font. T'as sur le mal, même le clown voit pas ses sentiments. Oh. Depuis je garde le sourire, personne ne comprend le clown. Depuis je garde le sourire, personne ne comprend le clown. Je suis un clown, je souffre, je suis un clown, je souffre. Souriez, oui, je garde le sourire. Yeah, yeah, yeah, yeah. Je garde le sourire, le monde plus gros que mes yeux. Yeah, yeah, yeah. Je garde le sourire, je garde le personne sourire. Ne comprend le clown. Je garde le sourire, personne sourire. Ne comprend le tout haut. Yeah. Big Black sur Sky. Le monde plus gros que mes yeux. Yeah. 17 novembre dans les bacs. Uh-huh. La réédition est en précommande sur iTunes. Allez-y, foncez, foncez, foncez, foncez. Et comme ce soir, on est avec Kev Adams, je pense qu'on va se faire le live de Madame Pavoshko. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? DJ HQ. Oh, oh, oh. 17 novembre dans les bacs. Yeah, yeah, yeah. Dans les Vux. Yeah. Yeah, what's yeah, yeah. 1. Madame Pavoshko, tout le monde. Aïe, Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, oui, oui, oui, oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspiration, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars, oui, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on tweet, Madame Pavoshko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Fire! Sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Vous vous souvenez de WAM, le petit Renault qui grattait des couplets de barge. Faut que le délégué, dites-moi où est le. On dirait qu'on m'a bouqué, wesh, tout est. Ma vie, les cours, oui, oui, oui, oui, je m'en bats les couilles. Oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Moi. Aïe, Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui. J'ai toujours autant d'inspire, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars, oui, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on tweet, Madame Pavoshko. Et tout le monde. Solo, t'es sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Fire, fire, fire. Solo, t'es sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Tour au rectorat. Vos discours dans ma tête et j'en ai fait une vraie chorale. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que nos regards se croisent, hop, adrénaline. Oui je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. Réaliser un de ces va me goubler ou n'importe qui. Oui je sais, Madame le rap, pas égal. Aïe, Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspiration, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars, oui, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on tweet, Madame Pavoshko. Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Mr. Wesson. Une petite voix me chuchoter, vas-y, tire sur l'école. Ça ferait une petite anecdote. La directrice, elle déconne. Pourquoi seconde surveillant me demande de vider mes poches? Mais pas au poste de police, et moi, je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère, c'est nous le reste du collège. Oui, aujourd'hui, ils diront que je n'ai rap que pour les types, que pour le flic, quel drôle de type. Je dirais même petit con, qui s'imagine avoir la force de King Kong. Oui, aujourd'hui, ils diront que je n'ai rap que pour les types, que pour le flic, quel drôle de type. Aïe, Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspiration, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars, oui, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on tweet, Madame Pavoshko. Et tout le monde fait solo, tête sous l'eau. Je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Fire, fire, fire. Tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Fire. Fire. Le tien faisait de glace, les profs disaient que tu faisais partie des plus nazes d'école. Jette ton cahier, mais le fire. Fire. Mais le fire. Fire. Un avertissement. Les dos de Gun excuse de plus de divertissement. Jette ton cahier, mais le fire. Fire. Mais le fire. Fire. Jackson H, comme ça, l'ouvrir le plus rapidement possible. Les 17 novembre dans les motherfucking packs. Les Black mes yeux. Les yeux plus gros que le monde. Le monde plus gros que mes yeux. Voilà. Kev Adams, my niggas. Yeah. Woo! À l'instant, bravo, le live. Madame Pavoshko, je garde le sourire. juste avant avec Black M et Kev Adams qui a tenu son rôle à merveille de backer. Mais là, c'était incroyable, même si je garde le sourire. Est-ce que j'ai bien backé? Je peux l'emmener en... Ah bah là, c'est là... Je peux l'emmener en tournée. Il y a un moment où vous allez vous croiser sur les différentes routes de France. Vous je tiens à dire que voilà, je dis pas aux gens quand, comme ça j'aime bien laisser un suspense. Vas-y. Mais je vais venir sur la tournée de Très Black bien. M et du Watibé faire un live avec lui. Voilà. Très bien. Oh là, c'est dit. J'ai un petit truc à dire. C'est dit. Je reçois plein de messages. Lourd, Dadju, comment t'as chanté et tout, alors que j'ai pas sorti une note aujourd'hui. Tout est tout sorti de la bouche de Kev Adams. Donc. Faites un maximum de bruit pour Kev Adams. Merci. Bravo. Tu peux inviter Dadju aussi sur ta tournée. Un comique vient de se révéler à l'instant. On s'est croisé cet été. J'étais en train de tourner le film Aladdin à Marrakech. On s'est croisé avec Dadju et avec Aboutal et je leur ai dit à quel point je kiffais leur son également. Et donc s'ils m'invitent à venir sur scène, je serais vraiment ravi de venir avec eux sur scène. Bien sûr, mais il en est hors de question. Mais là, je pense avec plaisir. Tu veux pas le prendre en première partie là? Je pense qu'il y a une carrière. Mais là, y a un truc. Ils sont trop gros pour être dans ma première partie. Non, mais en comique tout seul, Dadju. Ah, Dadju. Dadju se lance dans son Dadju, One Man Dadju. Le One Man Dadju. Genre le Dadju One Man Show. Voilà. Exactement. Je crois qu'il y a un concept. Il y a un concept à faire. Bon, merci en tout cas pour cette soirée. Merci Kev d'être passé. Voilà, voilà. Avec grand plaisir. Grand merci, ma gueule. Loupez pas le Voilà, voilà Tour. On peut. Il y a les dates qui sont un peu partout sur internet. Il y a ton site. On peut aller checker. Exactement, partout, dans tous les Zéniths de France. Et puis, comme je l'ai dit, vous me retrouverez très bientôt sur la tournée de Black M. Yes. Et Black M en tournée, la prochaine date c'est à Clermont-Ferrand vendredi. À pas louper. Merci Black M pour cette soirée. Merci à tous. Merci à toi, Fred. John Café à bout de Merci Peng. À tous pour le L'inso soutien. Dadju qui était là. Ice Q était là aussi avec nous. Il y a du monde toujours. Et on va retrouver maintenant Difool. Difool est là aussi, qui doit être connecté. C'est la radio. On attendait la roulette. Ah mince, la roulette. Ben oui, on attendait la roulette. Ah oui, ben, je l'ai fait. Et la roulette. Vas-y, roulette. Allez, roulette. Skyrock t'offre des bons d'achat de 50 euros plus alors une nouvelle compil plein d'années en 2014 volume 3. Amandine, je suis désolé, j'allais squeezer la roulette. Et Amandine était bien sur son téléphone, elle attendait. Je vous ai oublié, merci. Ouais, non, excuse-moi, voilà, Amandine, je fais toutes mes excuses. Non, pas de problème. Allez, on fait tourner la roulette rapidement et on trouve justement toute l'équipe d'Ifool. Marie, que j'entends rire jusqu'ici. Mais Marie, bah ouais, très très contente rire aujourd'hui. La gorge déployée. Ah oui. Oh ouais, écoute, je suis heureuse. Bah ouais, attends, voilà, Amandine, il y a du monde en plus. On est privé d'un stop comme ça, non. Vous allez devoir vous partager le cadeau, hein. Il y aura qu'un seul cadeau, hein. La compil de Planète Rap 2014 volume 3 qui défonce tout et 50 euros en bon d'achat pour acheter ce que tu veux. Trop cool. Ou aller trop voir cool. Pourquoi pas Kev Adams pour aller voir, pour aller voir Black M en tournée. Tu pourras faire ce que tu veux avec tes 50 euros qui tombent, Amandine. Ok, bah merci beaucoup, Fred. Je te fais un bisou. Moi aussi, je suis encore désolé, passe une bonne soirée. Ciao. Allez, grosse bisous, bisous. Ciao, ciao. Et donc, on peut y aller, Difool. Ça y est, je crois que je n'ai rien oublié. Ah. C'est bien, Fredo. Il me semble. T'as oublié un truc. Quoi? Le lien précommande de la révision. Voilà. Voilà. Allez-y. Allez-y, faites péter. Merci, Black M. Merci, Kev Adams. Merci, Shinsekai. Yes. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Et merci à Fredo, le maître de ces lieux. Yes. Un applaudissement pour Fredo. Bravo. Ouais, Fredo. J'ai très, très peur d'avoir une maladie incurable. Je perds la tête. Difool, te faut pas trop de sa gueule, hein, mon pote. Hein. Pourquoi je te dis, je vais te dire ton âge à tout le monde. Hein, oh. Je vais te dire, hein, Jean, que t'as 99 ans. Voilà. Non, dis-le pas, Kev. Ce serait con de savoir. Romano, voilà. Il est là, Romano. Ouais, tiens, Romano. Évidemment, oui. Fais voir, écoute, fais écouter ta voix. Allô. Ouais. Putain, rien que ta voix le fait rire, en fait. Rien que ça. Écoute, c'est dingue. Si c'est, tant mieux. Hein. Moi, j'ai des photos dossiers de la tête de Kev Adams au réveil. Ah oui. Si vous voulez. Moi, j'en ai de ton huc au coucher, mon pote. Oh merde. Ah, tu les as gardés. C'est Romano qui les a envoyés. Ah, le salaud. J'en ai plein. Ah. Le bordel dans l'équipe, Kev. Bisous, merci, Kev Adams. Merci, salut, à la prochaine. Ciao. Bisous. Et demain soir, Planète Rap, à pas louper, Black M toute la semaine dans Planète Black Rap. Black M de retour. La réédition de l'album. Le 17 novembre. Allez, précommandé. Allez. Yes. Et puis nous, c'est parti jusqu'à minuit Radio Libre. Vous pouvez nous appeler, on est en direct. Hein. Allez-y, 20h55. Une minute de pub. À tout cas, tiens, on va parler du Voilà, voilà Tour de Kev Adams dans les pubs. Voilà. Non, pas du tout. Ah bon. Ah. C'est pas le bon écran pub. Ah, alors il faudra attendre une demi-heure. Excusez-moi, je lisais la. Je vis un peu dans le futur ce soir. Non, mais ça sera un peu plus tard. D'accord. Donc, tout à l'heure, on parlera du Voilà. On en parlera. Bon, allez, on en revient dans une minute avec Calvin Harris, Big Sean pour démarrer cette soirée. Et puis vous tous et vous toutes en direct au 01 53 40 30 20. Vous appelez, vous faites péter les messages et on te retrouve demain, Fred. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tous les matins sur Skyrock.